l'évangile qui vient d'être prêché. Nous annonçons qu'un jour, la porte de grâce sera fermée. Et Dieu ne laissera pas son église indéfiniment comme ceci. Dans les conditions du péché, ici, au temps de la fin. Le même qui avait détruit Sodome et Gomorrhe, il a promis le retour du même jugement. Le même qui avait détruit la génération du temps de Noé, il a promis de venir détruire le monde actuel. Mais avant que le jugement ne frappe l'univers, Dieu, riche en miséricorde, invite les hommes et les femmes à la repentance, à lire le signe des temps, à ne pas s'abandonner au loisir, au plaisir mondain. C'est comme Kobrana Madila, dans le départ secret soudain de l'église, si en ce temps de la fin, les hommes préfèrent le divertissement à l'évangile. Et plus grave encore, voyez, des fois nous venons à l'église, nous préférons les moments où il y a un peu des humours et des comédies, plutôt que les moments où la prédication nous coince et nous accule. Au courant de ce sermon, il y a eu des séquences un peu détendantes, amusantes. Vous verrez que certains d'entre nous vont plus retenir ça en sortant d'ici. Et des paroles d'interpellation qui doivent les pousser au changement. Et quand ils vont parler de la prédication de ce dimanche à leurs semblables, dans leur famille, auprès de leurs amis et connaissances, ou le prédicateur apprécié ou jeté aux anges quand il disait ça, il a attaqué certains frères et certaines sœurs qui s'habillent mal, et des frères qui trompent leurs femmes. Oh, je n'ai jamais rêvé, je vous dis, hein. Et puis après, il n'a tiré aucun profit pour lui-même, pour sa spiritualité. Ses défauts, ses péchés et ses iniquités resteront intacts. Mais il a trouvé plaisir à la bouffonnerie, aux histoires amusantes. Cela, ce qui l'a intéressé, ce qui l'a vraiment retenu. Mais oubliant l'essentiel qu'un jour la porte de grâce sera fermée. Et bien qu'il pouvait rire quand on essayait d'illustrer ce qui se passait aux temps de Noé, mais il ne se rend pas compte qu'il se retrouvera parmi ceux qui rateront l'enlèvement en train de pleurer et grincer les dents. Pour n'avoir pas été prêt. Laissez-moi vous dire que dans cet enlèvement imminent, et la résurrection des morts en Christ imminente, il n'y a que ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit scellé dans le corps de Christ qui participeront. Et mais déjà, l'accès à ce baptême du Saint-Esprit est en train de se rétrécir. C'est ça la porte de grâce dont il nous est parlé. De plus en plus, il deviendra difficile d'avoir le sceau de Dieu. De nation en nation, de pays en pays. Les conditions d'iniquité grandissantes au temps de la fin. Mettent les hommes et les femmes en difficulté pour avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous sentez plus proche du véritable sceau de Dieu ou vous sentez que les choses se compliquent davantage? Ne soyez pas inconsidérés, s'il vous plaît. La question qui est posée est salutaire. Et le capital ne tape pas cela. Ne soyez pas habite passer. Je vous la pose à vous personnellement. Première question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je sais que vous allez dire non, pas encore. Et la deuxième question secondaire à celle-là. Sentez-vous personnellement que vous êtes plus proche de ce baptême du Saint-Esprit? Il vous est plus facile de recevoir. Vous réalisez que les choses sont en train de se compliquer pour vous. Il vous devient plus difficile d'avoir les choses. Selon la tendance que vous constatez, c'est un signe de temps pour vous. Vous sentez que ça se complique davantage. Alors soyez dans la tristesse. Appelez Jésus le miséricordieux sur la scène. Sur la scène de votre vie personnelle. Et, oh Jésus, aie pitié de moi. Je sens que je suis en train de m'enfoncer. Je sens que je suis en train de me perdre. Je sens que mon âme emprunte le chemin de l'enfer. Le chemin du lieu de tourment. Relève-moi de là au nom du Seigneur. Aïe, pitié de mon âme. Vous ne voulez pas? Que Dieu nous accorde sa grâce. Et vous avez entendu l'évangile. Vous qui n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous préparez enfin à avoir ce Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour ceux qui se sont repentis. Et qui ont réussi le baptême au nom de Jésus-Christ. Selon Actes 2, verset 38 et 39. Que tu veux être sauvé. Pierre. C'est une ordonnance éternelle. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit un problème de groupe d'église. Et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le don de Dieu car la promesse est pour vous. Et pour qui? Ceux qui se répandent ou ceux qui reçoivent le baptême de Dieu. Alors, si vous réalisez que vous ne l'avez jamais fait, et que vous voulez courir vers cette promesse, vous mettre en condition biblique, vous êtes qualifié, être secouru par Dieu. Il y a la place à l'hôtel. Ne vous contentez pas à l'illustration du temps de Noé. L'appel vient d'être donné dans la prédication. Quand le Seigneur vous appelle maintenant, pourquoi ne voulez-vous pas venir? Pourquoi voulez-vous reporter à demain ce qui doit se faire aujourd'hui? Allez, j'appelle du Seigneur là où je verrai après. A que je réponde pour être baptisé. Dans les rivières d'île là-bas, les montagnes là-bas. Moi, je vais attendre qu'on construise le baptistère du tabernacle des chrétiens. Comme ça, c'est un peu propre et moderne, on va me baptiser là-bas. Qui te dit que tu vivras jusqu'à ce moment-là? Le taux de mortalité universelle ne fait que s'accroître. Le sida tue, la malaria tue, le diabète tue, les accidents de circulation, routière et même aérienne, ça tue. Coronavirus aussi tue. Coronavirus pèse le Koboma. Je ne sais pas qu'est-ce qui va t'emporter d'ici. Le nombre de morts est plus élevé. Le temps n'est pas entre tes mains. tango est un amabo qu'on a eu. C'est Dieu qui gère notre temps. Zambenda zel kolam belé kolona tango. Ta vie n'est pas entre tes mains. Bomo ina yo est un amabo qu'on a eu. Dieu qui gère ton souffle de vie. Zambenda zel kolam belé kolona pema. Rien ne dépend de toi. Il n'a pas tiré pour t'aller là. C'est de Dieu que tu dépends toi-même. Yo moko zel kotane la bobele zambi. Alors crains Dieu. Banga zambi. Conforme-toi à sa parole. C'est tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Après avoir entendu cet évangile, qui voudrait renoncer à lui-même, à la vie de péché, d'iniquité. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui veut se donner au Seigneur? Qui veut vraiment se repentir? Demander la grâce de Dieu. Recevoir le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est nous là qui appelons encore. Vous n'allez pas dire qu'on ne m'avait pas donné l'occasion. Vous ne savez pas comment faire. J'ai écouté la prédication, mais on ne m'a pas dit quoi faire. Y a-t-il quelqu'un? Mutumo pasali. Lève-toi, tu viens ici à l'hôtel. Téléma, yakana etumbele. L'amour de Dieu, s'il y a quelqu'un d'autre venait. Soki mutumusu sasali yaka. Le temps, l'église ne va pas rester indéfiniment comme ça. Nekelezia ekotika la bobele boye libena na libena. Il y a une fin que Dieu va marquer. Ezali na suka onzambe ya kotali. Vous n'allez pas rester indéfiniment sur la terre ici comme vous pensez. Ekotika la bobele boye libena libena. L'amour vient d'un côté, la venue du Seigneur de l'autre. Ton souffle de vie n'est pas ton pouvoir. Je te bénisse. Tu restes là à la terre. Quelqu'un d'autre. Voyez comment tout est prophétisé. Zambé apambola yo. Ça complète ses yeux. Annonçant la venue du Seigneur, en bientôt s'ouvriront les yeux. Combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous restons mes frères. Il est plus tard que vous. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oh, combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous restons là, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensiez. Soyez alors sages et sans problème, toutes les armes de Dieu. Vivez la vie de mon chrétien. Oh, combien de temps va. Annonçant la premier est en pas. Pensez-vous. Alléluia. Prions chacun maintenant. Présentons nos âmes devant le Seigneur. Lui le juge de tous vivants et morts. Lui le seul qui donne le salut et le Saint-Esprit. Lui qui peut briser le cœur et nous changer. Prions chacun. Implorons sa miséricorde et sa grâce. Pour que nos vies lui soient agréables. Que la vie d'iniquité de péché. D'orgueil et de prétention. De fantaisie et d'incrédulité. De souillure et de mondanité. Que toutes ces vies prennent fin à nous. Et que la vie de la parole prenne place. Prions chacun. Mais souffle mal, Saint-Denis, tendresse, un bel endroit. Quand je vois la face de mon père, aucune confession faite, les yeux secs, n'offrira votre péché. Donc, confessez votre péché. Vous devez le faire avec autant de sincérité. Le cœur vraiment brisé. Le cœur totalement affligé. Tant que si Dieu ne fait rien pour vous, votre perdition est consommée. Si Dieu n'intervient pas littéralement, pour votre pardon, votre perdition est totalement consommée. Irrémédiable. Vous réclamez sa grâce, son secours. Vous allez passer sachant que ça peut être la dernière occasion pour vous de vivre. Et qu'après ça, vous pouvez vous retrouver cadavre, mort. Sans possibilité d'appeler Dieu au secours. Ni d'être sauvé, ni d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors Branham dit que toute confession sans sanglot ne couvrira jamais votre péché. On ne le fait pas comme une formalité, comme un petit devoir d'église, comme un petit rôle à jouer pour passer. Mais réalisez votre le danger qui vous guette. Le jugement de Dieu qui vous menace. Les feux de l'enfer qui sont devant vous. Les odeurs de la prison qui sont devant vous. Après cette vie sur terre dans le péché et l'incrédulité. La mondanité et les danses. Les futilité. Les profanations. Vous finirez dans les tourments. Sans espoir. Mais l'occasion est encore là maintenant. La grâce coule encore maintenant. Dieu pardonne encore aux pécheurs repentants. C'est lui qui se répand selon la parole. Pas qui veut juste accomplir un rôle formaliste. Aussi froid qu'un bloc de glace. Dieu déteste cela. Une religion froide et formaliste. Dieu rejette cela. Nous devons amener un cœur sincère. Affligé. Contrit. Brisé même. Dans l'état d'urgence. Dans l'expectative de son intervention. Pour apprécier la grâce de Dieu. Combien elle te sera utile. Elle te révélera indifférent, incomparable. Sans pareil. C'est par elle seule que tu es tiré. De ce puits profond. De ces ténèbres sans pareil. de cette domination esclavage. L'esclavagisme du péché. Tu es tiré de là par la grâce de Dieu. La servitude du mal. Dieu est le sauveur qui te tire de là. Je Grâce à Dieu. Grâce ton nom, son pas élevé comme moi. Je te prie Dieu, je suis là retrouvé avec le maintenant je vois. Grâce, cette grâce m'a enseigné la crainte. Et Dieu, quand il sauve, il donne la joie du salut. Il est déjà chez des lourds fardeaux du péché. Vous deviendrez plus souple qu'avant. Plus apte à la vie chrétienne. Différent de ce que vous étiez. Car le Saint-Esprit vous donne une nouvelle nature. Il vous rend semblable à Jésus-Christ. Il brise l'orgueil. Il brise l'incrédulité. Il brise la fantaisie. Les chantages. La malhonnêteté. La fraude et la tricherie. L'escroquerie. Le mensonge. Le désœuvrement. Vous Dieu vous donne une nouvelle nature. Que sa grâce pousse sur ton cœur à toi. Le Sauveur Jésus est ici. Le Dieu de toute grâce. C'est lui qui sauve les âmes et pardonne les péchés. C'est lui qui transforme les vies. Il délivre les esclaves. Gloire et louange à ton nom éternellement. Gloire et louange dans le cœur des rachetés. Que la joie du Seigneur soit votre force. Pour repartir d'ici tout fort. Affrontez à nouveau chaque bataille. Tu affronteras cela et tu vaincras. Par la force du Dieu de ton salut. Sa grâce envers nous n'est jamais vaine. La grâce envers nous est très efficace. Elle apporte la touche divine. Pour impulser la percée. Pour pousser en avant. Être un chant de louange et de victoire. Vaincre ses défaites. Dominer ses maladies. Dominer ses douleurs et ses peines. Le soutenir dans la marche. Pour que tu surmontes tout. Parce qu'il ne voit pas ce que tu, ce qui t'arrive. Dieu qui sait tout, ne voit-il pas? Voici, il sait tout. Il est au courant de tout ce qui t'arrive. Ok. Dieu tout puissant, notre Père Céleste. Nos cœurs t'adorent au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton évangile. Nous rappelons qu'un jour, la porte de grâce sera fermée. Pendant que demain ne nous appartient pas, il nous invite à prendre une décision, à faire ce que nous pouvons de notre part, pour témoigner de notre bonne foi, notre bonne volonté, notre disposition à nous soumettre à toi. Agrée cela Seigneur. Agrée nos cœurs devant toi. Agrée nos prières au nom de Jésus-Christ. Change tout ce qui doit changer dans nos vies. Car toi seul est le sauveur. Toi seul est le libérateur. Quand tu délivres, les êtres sont réellement libres. C'est toi qui suscites la foi et toi seul l'amène à la perfection. Jésus, le souverain sacrificateur de notre foi, fidèle dans la maison de Dieu, nous comptons sur toi plus que sur nous. Il n'y a que toi, Jésus, à qui notre foi regarde. Honore notre foi. Change notre vie spirituelle. Je me souviens quand c'est jour du 28 novembre. Il y a de cela beaucoup d'années. Un certain 28 novembre 1992. Dieu déclare, tu avais eu pitié de mon âme. Pour descendre vers la bassesse de ta créature perdue. Témoigner l'amour divin. Et tu m'avais baptisé du Saint-Esprit. Tu m'as fait grâce pour mes péchés. Tu m'avais donné une nouvelle nature. Le Saint-Esprit était venu. Comme un vent impétueux. La puissance était haut. Vers les 19h du soir. Et le feu du vin m'avait baptisé. Oh Seigneur, que vous souvenez aujourd'hui. Je t'en suis reconnaissant. Et je te prie au nom de Jésus-Christ de faire grâce à ceux qui croient ce ministère. Qui écoute l'évangile de Dieu par ce petit canal. Confirme les péchés de mes frères. Nous te prions d'agréer aussi ces âmes à l'autel. Pour donner leur vie au Seigneur. Rompre avec un passé de honte. Le passé du péché et d'incrédulité. Le passé de la mentalité de la suite. Seigneur, agrée le sacrifice de par le sang précieux de Jésus-Christ. Dispose-toi à pardonner ces péchés. Et les accueillir dans ton royaume. Qu'elle trouve une place dans ta maison. Seigneur, ne les laisse pas errant ça et là, mais trouve-leur une place dans le royaume de Dieu. Exauce votre prière et les prières de toute l'église. Chacun de nous pour sa part. Nous réclamons qu'au nom de Jésus-Christ, tu accordes à chacun ce qu'il a demandé. Que notre culte te soit agréable. Que ce ne soit pour personne une perte de temps, mais que ce soit du temps racheté. Et qu'en retournant à la maison, la grâce de Dieu remplisse nos cœurs et que la joie du salut devienne palpable et réelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et te croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.